Demande aux petits de la test, même les petits me connaissent. Ouais, même les petits me connaissent. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Ouais, il est mal honnête. Demande aux petits de la test, même les petits me connaissent. Ouais, même les petits me connaissent. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Ouais, il est mal honnête. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. J'ai l'honneur de commencer, va pas couper. Quitter le ton, côté le côté sombre en un couplet. Y'a le silence à écouter, ferme les coutilles au ventard. Ça démotive les vaillants et donne du respect aux bâtards. J'ai te présenté des hommes et c'est pas leur avatar. Tellement de serrage à l'étage qu'on vend la carcasse au vautour. On connaît les mots doux, même quand le silence est dur. Mais quand la parole est d'or, lève-toi, efface souvent les doutes. Et j'en ai perdu du temps, j'ai ramé, j'ai galéré. Aujourd'hui je reviens en équipe et on va tout démarrer. On avance en décalé, t'es maille, y'a pas de faux semblant. On parle de notre vécu et de la vie qui parfois semble longue. Le rap c'est pas un plan de carrière, non c'est un état d'esprit. On voit la prod, gratte la feuille, vas-y fais de spi. Et nous demande pas ce qu'on fera quand on sera vieux. Retiens que les mauvaises graines sont celles qui poussent le mieux. Guerre de l'ombre, ça se passe la nuit. Réunis pour chasser l'ennui, un chat sans poche car mes ennemis rêvent de m'affliger une grosse dermie. La rage, le vide et le néant remplissent ma vie tout en la vidant. Aucune envie, donc aucune action, c'était évident. Je rêve d'un grand changement tout en l'évitant. Crois pas que tu vas réussir ta vie en zonant. Rajoute quelques larmes dans mon verre, que je puisse sourire dans la fête. Je rêve de filer à l'anglaise et pas d'empiler les emplettes. J'apparais quand vient la pleine lune avec un style à part, la peau d'une piñata. Je suis ceux qui créent les pires attaques, ici pas de baratin, ça t'élimine. Si tu parles à tort, trop d'ennemis sous des allures de proches qui voudront pas te rater, même si tu fais du karaté. Demande aux petits de la test, demande aux petits de la test, même les petits me connaissent. Demande aux petits de la test, même les petits me connaissent. Ouais, même les petits me connaissent. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Ouais, mais il est mal honnête. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. Démon, tu cherches les vues, on cherche la qualité. Fais pas la star, nous on s'empête de qui t'a validé. Carrément, on t'a vu pleurer pour une meuf. Forcément, t'es le genre de mec qui pour un billet, laisse un ref, crois-moi, on te connaît bien. T'es le genre de comédien qui fait des sons de clubbeur pour les collégiens. Bah ouais, ils veulent rapper vite, on veut rapper bien. Même les rater vite, personne t'invite, gros, même pas les tiens. La coupe est pleine, si bien que ça pousse, ça cloue des gourdes de rhum. Il pleut des gouttes dehors, des cons de sort de troupes de horde. Les cordes provoquent des ruisseaux, attendant le chant du coq. Désert demeure, les rues sombres, désert demeure, les rues sombres. J'fais ma propre sauce, tu peux sentir la pâte. Tu mourras à petit dame, un mec qui ira moquer, mais qui a part. Laisse les parler, on les verra tantôt. Ouais, personne m'étonne, mauvais humain comme t'en auras tant d'autres. Sous une pluie d'automne, je me sens mieux avec Kishta. Fais de l'oseille, parle pas chinois. Tu connais, on fait du pif crade. Toujours à l'aise dans la picra. Ils ont encore trop parlé cette année. Ouais. Qui va tomber quand ça va scanner? Ouais. Tu peux faire ton Savastano. Y'a personne pour parler cette année. Ma gentillesse me joue parfois des tours. Mon cœur est trop beau, il envole des tours. Parano, je rôde le soir, je pense à nos histoires. D'écouter t'avoir connu, je vais pas foutre ma vie en l'air. Ma vie n'est pas si simple, je pense que la tienne non plus. Beaucoup d'hypocrites et trop de corrompus. Y'a trop de traîtres dans le secteur qui traînent avec les inspecteurs. Je crois qu'ils ont pas peur du créateur. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. Demande aux petits de la tête, même les petits se connaissent. Tous les mecs au placard, ils vont se reconnaître. J'ai plus confiance en l'homme, il est mal honnête. Génération triste, ils ont tout changé. On va pas t'en parler parce qu'au fond, je m'en bats les coco-couilles. Comme à l'époque, ouais, des dodo-douilles. Avec que je la bouffe et que je lui touche, ça foufoufoun. Sans aucun dodo-doute, je serai un papa cool, voire même un papa poule. Faut que j'acquiesce dans ce peu rage, je suis à fond dedans. Comme à l'époque des zouzouzou, il me faut des zouzouzou pour que la peuf soit foufoufou. Ouais, ça serait beaucoup cool de faire bouger des foules avec une team de foufoufou. Les temps sont durs comme la génération montante. Ouais, je lâche pas le steak pour grailler ma ration en viande. La drogue, on va la vendre, la fraîche, on va la prendre. C'est un bon bien qui, je vois pas de compte à la banque. Ne me raconte pas ta Yves, ça fait des années que je suis hami. J'ai que gratté des phases, j'ai jamais gratté des amis. Ça fait longtemps que je suis hami, j'ai jamais gratté des amis. J'écris, je me mets dans ma bulle. T'inquiète, promis bébé, je vais pas mater son boule. J'ai des frères endettés à la recherche des 7 boules. Bientôt l'été, j'ai ce froid pété. Bientôt le matin, c'est toi ta moule. Mais pour